Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Paloma Moritz. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. C'est la cinquième saison déjà du podcast 2030 Glorieuse et le podcast, cette année encore, il est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique. J'en profite 30 secondes pour partager une bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend celle-là. Ça fait 35 ans que la NEF, elle collabore avec le Crédit Coopératif et après 2 années de mobilisation et une campagne de levée de fonds citoyens incroyable, ça y est, la NEF, elle n'est plus adossée à aucune autre banque. Ça veut dire qu'elle est complètement indépendante et autonome. C'est une étape historique pour que cette coopérative, elle puisse enfin élargir son offre de produits et de services pour mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises français désireux de se tourner vers une banque éthique. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est en direct de Radio Grenouille, le So Good Maïf Festival à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. On est en plein Mistral sur la place. Totalement. Avec Paloma, on voit les trains, les TGV qui sont de l'autre côté de champ où on voit les jeunes qui sont en train de faire du skateboard. Je suis très très très heureux, Paloma, de te donner la parole. Paloma, si je devais te présenter, je ne suis pas sûr que je doive le faire, mais je le fais quand même. Tu es journaliste chez Blast, tu es notamment responsable du pôle écologie. On va parler de responsabilité des médias, on va parler du rôle de journaliste, de la réinvention des imaginaires pour se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle, rien que ça. Et pour commencer cet échange, Paloma, imagine, tu es à un échange avec des personnes que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas, et arrive la question fatidique de toi, tu fais quoi dans la vie? Tu leur réponds quoi à ces gens maintenant, quand tu dois te présenter? Alors c'est une grande question parce que ça m'est arrivé justement une fois une formation de l'Institut des Futurs Souhaitables qu'on n'ait pas le droit le tout premier jour, on était une centaine de personnes et on n'ait pas le droit de parler de nos métiers. Et pour moi ça a été hyper dur, je me suis rendu compte qu'en fait je me définissais par mon métier et donc je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter si je peux pas parler de mon métier. On va se dire que cette fois-ci j'ai pas cette contrainte-là. si je devais me présenter à des gens qui ne me connaissent pas du tout, je dirais que je suis journaliste, réalisatrice et que je me définis comme une journaliste engagée, que les sujets que je porte, je les porte avec, j'espère, beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur, et que c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur, justement, parce que, en fait, je considère qu'aujourd'hui, la neutralité journalistique n'existe pas, qu'on porte tous et tous une vision du monde, et que, voilà, je le disais tout à l'heure dans une table ronde, il y a des journalistes qui peuvent être engagés pour l'économie de marché, bah, moi, je suis plutôt engagée pour un monde plus juste, plus écologiste, plus soutenable, et c'est la raison pour laquelle, voilà, les trois grands sujets sur lesquels j'essaie de me concentrer en tant que journaliste, c'est les questions écologiques, les questions démocratiques et les questions liées aux inégalités de genre, parce que je considère que ces trois questions sont liées si on veut essayer de créer une autre société et si on veut aussi essayer de nous désintoxiquer de la société dans laquelle nous sommes et de ce que nous racontent la plupart des médias. Restons sur ce terme de journaliste, si tu le veux bien. Je trouve que ces dernières années, il a été pas mal écorché, à tel point que certaines rédactions aujourd'hui ont enlevé les plaques en bas des immeubles pour qu'on ne sache pas que leur rédaction se trouve ici. On a vu des journalistes passer un peu incognito, notamment sur les manifestations, parce qu'il y a eu pas mal d'actes de violence à l'égard des journalistes. On a des personnes qui se déclarent être journalistes pour des chaînes qui, elles, en l'occurrence, ont un message de haine, de repli sur soi. Est-ce que toi, tu arrives encore à utiliser ce mot de journaliste avec fierté ? Totalement, je pense qu'il faut absolument pas... Il y a une grande bataille sur les mots et sur la sémantique aujourd'hui, on sait, et je pense qu'il y a des mots qu'il ne faut pas abandonner et qu'il ne faut pas dénaturer, et il ne faut pas les laisser être dénaturés. Moi, je continue à revendiquer que je suis journaliste, et en plus, je pense qu'on a fait la démonstration avec Blast qui s'est créée en mars 2021, donc maintenant, on a 3 ans et demi, médias indépendants, je fais partie des membres fondateurs, on a fait la démonstration qu'un autre journalisme était possible, qu'il était possible, en fait, de faire de l'information en pariant sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens, en leur donnant une autre vision du monde, en leur donnant aussi des capacités d'agir. Et en fait, on a fait ce pari-là et ça a fonctionné. Donc ouais. Je pense qu'on a vraiment montré. C'est-à-dire que d'un côté, on voit qu'il y a l'offensive des milliardaires, les médias privés, les médias d'extrême droite qui sont malheureusement de plus en plus forts et qui ont de plus en plus d'audience. CF, CNews, C8 et Valeurs Actuelles et autres. Mais de l'autre côté, on a aussi des médias indépendants qui résistent très très fort, qui sont engagés justement pour la justice sociale, pour la justice écologique. Et qui sont aussi de plus en plus puissants et de plus en plus forts. Donc il y a un peu un moment où les rapports des forces sont exacerbés, mais je pense que l'existence même de Blast et de tous les autres médias indépendants qui font un travail essentiel raconte quelque chose qui doit nous donner envie de porter ce terme de journalisme comme une fierté et de continuer à le faire, et en revanche d'expliquer que il y a des gens qui se revendiquent comme journalistes et qui ne le sont pas. Je pense notamment même à des youtubeurs d'extrême droite qui disent qu'ils font du journalisme citoyen alors qu'en fait tout ce qu'ils font c'est du confusionnisme. De vert ces derniers temps justement sur certaines vidéos, notamment celle du Raptor, pour montrer à quel point aujourd'hui on passe des informations comme étant vraies alors qu'en réalité c'est une complète manipulation. On parle des imaginaires aujourd'hui, donc je te voyais là rayonner, fier, déterminé par rapport à ton envie de maintenir ce terme de journalisme. Je voyais l'Empire contre la rébellion, je voyais Star Wars, ces gens qui s'organisent et qui disent en fait il y a des gens stratégiques, des milliardaires qui mettent en place des plans sur plusieurs années pour pouvoir contrôler les opinions, pour pouvoir continuer à faire en sorte que leur message se massifie, mais un message de prise en otage des libertés, des esprits. J'ai l'impression que toi, ta posture, au contraire, elle est là pour éclairer, pour éveiller, pour empuissanter, pour libérer. En fait, on ne met pas les gens sous cloche chez Blast. Je me trompe? Oui, ben non, tu ne te trompes pas. Pour moi, l'information est profondément émancipatrice et je pense que de toute façon, permettre de s'engager permettre de s'émanciper. Tu citais Star Wars, je pense que c'est un exemple qui est beaucoup cité par à la fois les écologistes et les féministes de l'exemple de Matrix et de la pilule rouge et de la pilule bleue. Et en fait, nous, on distribue des pilules rouges à l'envi, à Blast, ou des pilules vertes, comme si vous voulez. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très très fort aussi et en même temps très vertigineux quand on se rend compte que la vision du monde qu'on nous a vendue pendant des années était fausse et qu'en fait on est dans une société capitaliste qui va dans le mur parce qu'elle ne s'est pas rendue compte de ses propres limites. Et en fait d'être capable de se rendre compte de ça et de pouvoir faire à la fois moi ce que j'essaie de faire, donc de la vulgarisation, de l'empouvoirment sur les questions écologiques, mais aussi de traiter de la question des médias, de la concentration des médias avec l'émission Rhinocéros, toutes les émissions que fait Salomé Saquet sur l'économie, enfin en fait tout ça permet de comprendre le monde autrement. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant les élections législatives. On s'est énormément mobilisé, on n'a pas beaucoup dormi pour essayer de faire en sorte que justement l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Beaucoup de gens nous ont dit on a vécu sous assistance respiratoire grâce à vous. C'est terrible parce que moi je préférais que les gens respirent mieux grâce à nous et ne soient pas sous assistance respiratoire, mais ça raconte quelque chose de l'ambiance médiatique dans laquelle on est aujourd'hui et finalement du fait qu'au lieu à ce moment-là de parler de en fait qu'est-ce que c'est réellement l'extrême droite, qu'est-ce que ça donnerait concrètement l'extrême droite au pouvoir dans les grands médias, en fait, on allait plutôt parler de politique politicienne, de qui allait voir tel siège à l'Assemblée, qui allait voir tel pourcentage de voix. Et nous, on essayait vraiment de parler de ce qui concerne la vie, en fait, des gens qui nous écoutent et d'essayer de comprendre, même si vous êtes tenté par ce vote d'extrême droite parce que vous avez une colère à exprimer, en fait, rendez-vous compte de ce que ça veut dire très concrètement pour l'avenir et en fait de la brèche que ça peut ouvrir. Et on le sait, en fait, dans la plupart des pays. Malheureusement de plus en plus nombreux qui ont basculé à l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, on sait quand elle arrive au pouvoir, mais on sait jamais quand elle repart. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier. Et aussi, justement, à cause du traitement médiatique, en fait, des médias mainstream de l'extrême droite qui ne fait que la banaliser ces dernières années. Des médias qui jouent sur les peurs et qui individualisent. Quand vous essayez de libérer, mais aussi de rassembler, tu l'as un petit peu dit, Blast, c'est une coopérative qui est financée par son audience, je ne sais pas comment l'appeler. Oui, c'est ça qui est financé par des dons et des abonnements. Donc, soit il y a des personnes qui nous donnent une fois 5 euros, une fois 10 euros, ou même plus 100 euros, ou que sais-je, ou des personnes qui décident de donner 5, 10 euros, 15 euros par mois à Blast pour qu'on existe sur le long terme. Alors, évidemment, c'est mieux de s'abonner parce que nous, ça nous permet d'avoir une visibilité, justement, un peu plus à long terme pour savoir comment, qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager en termes d'émissions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais on existe, en fait, grâce à nos abonnés et aux citoyennes et aux citoyens qui veulent qu'on existe alors qu'on est en accès libre. Donc il n'y a même pas de... Les gens ne payent pas pour regarder. Tout le monde peut regarder. Et l'idée, en fait, c'est, et pour moi, c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on incarne une autre société à travers notre média. C'est qu'aujourd'hui, nous, notre idée, c'est simplement de se dire on est en accès libre pour que les personnes qui n'ont pas les moyens puissent suivre notre contenu, et celles qui ont les moyens vont donner de l'argent pour que ça reste en accès libre. Et donc on essaie de créer un cercle vertueux. Et c'est un peu la même chose sur notre modèle de financement, c'est-à-dire que le but de Blast n'est pas de faire du profit, c'est juste d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire notre métier correctement, faire des grosses enquêtes parce que ça coûte cher, faire face aux procès aussi qu'on a, qui sont de plus en plus nombreux malheureusement, et aussi pouvoir faire du reportage parce que c'est hyper important pour nous d'aller sur le terrain et donc justement de pas commenter le monde et la société à partir d'un plateau, quoi. Vous sentez le besoin de la part de ces personnes qui vous soutiennent de faire communauté, d'exister à travers Blast, de se regrouper grâce à Blast? Ils ont un nom qui est les Blasters. Okay. Je savais donc, pas. Donc les gens qui nous soutiennent s'appellent... Bon, il y en a qui sont pas au courant qui s'appellent les Blasters, mais peut-être que bientôt ils le sont. Et oui, moi je sens beaucoup ça. Et là, il y a la semaine dernière, j'étais au Festival de l'Humanité et il y avait pour la première fois, le grand village des médias indépendants. Et il y avait énormément de personnes qui venaient nous voir et qui, en fait, avaient envie de discuter avec nous et de faire communauté, en fait, avec nous aussi et entre elles. Et on sent qu'en fait, souvent, c'est des gens qui peuvent aussi très bien s'entendre entre eux, etc. Et contrairement à ce qu'on a tendance à dire pour essayer de nous décrédibiliser ou de nous délégitimer, on n'a pas du tout un public aussi homogène qu'on le pense. Déjà, on ne touche pas du tout que les jeunes. On parle, en fait, en gros, le gros de notre audience, c'est 25-45 ans. Et sinon, c'est très réparti sur toutes les classes d'âge. Et on a aussi des gens qui viennent de milieux sociaux très, très différents. Pas mal d'expatriés aussi et des gens qui viennent absolument partout en France, quoi. C'est pas du tout que des urbains ou des Parisiens qui regardent Blast ou lisent les articles de Blast. Je t'ai décrit tout à l'heure comme responsable du pôle écologie. J'ai l'impression que c'est juste et à la fois c'est pas si juste que ça, parce que souvent t'adresses la question écologique avec un prisme social, un prisme économique, un prisme sur les récits. Tu fais souvent des vidéos avec d'autres journalistes, notamment parfois avec Salomé. Est-ce que t'as conscience de cette nécessité de sortir de l'écologie, de cette ornière un peu dans laquelle on l'a enfoncé, comme si c'était une question à part, dans un couloir à part, déconnecté de toutes les autres réalités importantes de notre siècle? Je pense que c'est vraiment ce qu'on a réussi à construire à Blast, c'est une vision très... à 360 degrés de la question écologique et d'en faire aussi un peu notre ADN. De toute façon, il y a d'autres journalistes qui vont en parler. Moi, je dis pas, je suis la journaliste écologique, donc vous êtes obligés vous n'avez pas le droit d'en parler. Et ensuite, c'est de montrer comment tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se rend compte que notre planète est en passe de devenir inhabitable et que nous avons une petite poignée d'hommes ont littéralement détruit en fait les conditions d'habitabilité de cette planète. À partir de là, il faut tout repenser. Donc pour moi, de faire une émission justement sur l'économie, comment on repense l'économie à l'aune de l'urgence économique, comment est-ce qu'on tombe pas dans les pièges de la croissance verte ou de se dire que la technologie va nous sauver, c'est hyper important. Mais c'est aussi important de parler de l'aspect sensible. Je vais recevoir des auteurs, des autrices, des chanteurs, des chanteuses qui vont me parler aussi de comment est-ce que on peut parler d'écologie à travers l'art ou d'autres types de domaines, mais aussi l'aspect sociologique, l'aspect philosophique. J'ai aussi bien des climatologues sur mon plateau que des sociologues, et je pense que c'est ça qui est absolument passionnant. C'est qu'en fait, d'une certaine manière, à partir du moment où on comprend l'urgence écologique dans laquelle on est, on se met à poser d'autres lunettes sur le monde et on commence à tirer des fils dans tous les sens et on se rend compte que la question est infinie. Et je pourrais continuer à faire des émissions pendant des années sur ces sujets, tellement justement il y a de questions à poser et de réponses aussi à donner. J'ai l'impression de me voir quand tu me réponds parce que tu parles hyper vite. Ça se voit que le sujet te passionne. Et de façon générale, je parle vite, mais de façon générale, j'ai un petit côté un peu intense. Intense et passionné. Tu m'as donné la parole il y a quelques années à la sortie de mon livre 2030 Glorieuse Utopie Vivante chez Actes Sud. Et depuis, tu m'avais laissé entendre que cette question des nouveaux imaginaires, des utopies, t'intéressait. Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est dans ton spectre de pensée? Mais en fait, je pense que toute personne qui commence à vraiment creuser toutes les questions liées à l'écologie va à un moment arriver à la question des récits et des imaginaires. C'est un peu une évidence. C'est-à-dire que. Un passage obligé. Oui, je pense, oui. Et ça se retrouve en fait beaucoup. C'est-à-dire que la question, c'est quand même un moment de dire, on nous a raconté une histoire, de dire, plus vous allez accumuler de biens, donc voilà, c'est toute l'idée du rêve américain et qui a émergé après-guerre, de dire, plus vous allez accumuler de biens, plus vous allez être heureux. Donc en gros, si vous avez une maison, une voiture, une piscine, allez, soyons fous, eh bien, vous aurez touché le Graal du bonheur. Et en fait, on se rend compte que derrière ça, il y a tout un système économique qui s'est organisé, d'où la crise des subprimes aux États-Unis qui a ruiné des tonnes de personnes, qui a mis des personnes à la rue, etc. Et qu'en fait, ce système, il fonctionne pas, de un, parce qu'il demande toujours plus de matière pour construire ces maisons, ces voitures, etc. Qu'il ne rende pas les gens heureux et les enferme dans des cercles de crédit, de précarité, etc. Et qu'en plus, il détruit la planète sur laquelle nous vivons. Donc à partir de là, la question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut imaginer une autre vision du monde qui puisse nous emmener vers un ailleurs. Mmh. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reste en fait encore bloqué dans un autre imaginaire qui a remplacé en fait l'imaginaire des Trente Glorieuses et le rêve américain, on va dire, qui est l'imaginaire technosolutionniste, donc qui est cette idée que en fait la technologie va avoir réponse à tout. Donc il y a une certaine vision du progrès humain, de cette idée qu'en fait il faut qu'on aille toujours plus loin jusqu'à dépasser les limites de l'entendable, et que donc maintenant, par exemple, on ne va pas se dire qu'on va changer le système, mais on va changer le climat directement, pourquoi pas, avec de la géo-ingénierie, et on va balancer du soufre dans l'atmosphère pour refroidir la température. Enfin, en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cet imaginaire-là, qui a été poussé aussi par un certain nombre d'œuvres de science-fiction qui nous ont montré un avenir tout technologique. Enfin, moi, je me souviens de BD de Mickey Magazine que je lisais quand j'étais plus jeune et qui décrivait la société en 2224. Et en gros, ils étaient devant leur télé, ils appuyaient sur un bouton et puis il y avait tous les fruits et légumes qui tombaient. Non, bon, en fait, même on Mickey. Est en 2024, on l'a déjà inventé, ça s'appelle Deliveroo ou autre, ou autre truc comme ça. Et c'était ça l'imaginaire du futur. Et d'ailleurs, après, ils montraient aussi qu'ils étaient tous devenus super gros, qu'ils n'arrivaient même plus à marcher tellement. En fait, ils ne faisaient plus aucun exercice physique. Enfin, voilà, c'est un peu l'imaginaire de Wall-E. Mais on le voit aussi dans le sixième sens, dans. C'est pas le sixième sens, c'est le septième élément. Cinquième élément. C'est tous ces titres avec des chiffres. En fait, donc c'est dans, dans le cinquième élément, tu vois que voilà, l'imaginaire, c'est les voitures volantes. Ouais. Et on te montre le fait qu'il y ait des voitures volantes partout comme quelque chose de cool. Et aujourd'hui, en fait, Uber est en train de développer des taxis volants. Donc on voit que tout ça, en fait, Mais pourquoi toi ? Pourquoi toi, Paloma ? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, tu vois, ces rêves, ils sont diffusés par Netflix, la télévision, les films. Parfois les récits, les livres, les Mickey Magazine, la publicité. On voit les gens hyper heureux dans leur voiture, seuls sur la route, et comme une sorte d'audace, de libération ultime. Mais pourquoi les journalistes ? J'ai l'impression que moi, les journalistes, en général, ils se font un peu les défenseurs de système. Ils le préservent, ils le ménagent. Toi, tu éclaires, tu éveilles, tu révèles. C'est quoi ton rôle dans ces imaginaires-là ? Mon rôle, c'est de montrer qu'une autre société est possible, je pense, et aussi de montrer tous les travers de notre société actuelle, et de se rendre compte qu'en fait, quand on est en train de pointer du doigt tel ou tel problème, et on peut parler même sur la question de l'immigration qui a beaucoup fait débat ces derniers mois, et même j'ai envie de dire ces dernières années, où en fait on a tout le temps voulu mettre sur l'immigration à peu près tous les problèmes de la France, en tout cas c'est ce que fait l'extrême droite, alors qu'en fait que dans ces moments-là, on se rend compte que la précarité dans laquelle sont certaines personnes, le manque d'accès aux services publics n'est absolument pas lié à l'immigration. On n'a que des faux chiffres qui sont donnés sur le fait que, par exemple, les personnes immigrées utiliseraient trop les aides sociales, etc. Alors qu'en fait, on voit qu'en général, elles sont sous-utilisées. Les gens n'osent pas en fait revendiquer ces aides-là. C'est montré par des études. Donc la question derrière, c'est de dire, au lieu d'essayer de chercher des boucs émissaires, comment est-ce qu'on essaie de comprendre que c'est l'organisation actuelle de nos sociétés qui nous mène dans le mur ? À la fois, justement, sur les questions sociales, et on le voit, en fait, avec la dégradation des services publics aujourd'hui en France, qui, en plus, services publics qui seront essentiels pour faire face au choc écologique à venir. Et après, comment est-ce qu'en fait, on peut construire un autre type de société ? Et comment est-ce qu'on peut, justement, montrer à un maximum de personnes qu'on n'est pas voué, en fait, à rester bloqué dans cette société en France ? Il y a des alternatives. Qu'il y a des plans B. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi ouvrir un peu l'espace des possibles? Et il y a cette fameuse phrase qu'on entend très souvent sur le fait qu'il est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Bah, je pense qu'il va falloir commencer à imaginer la fin du capitalisme tous ensemble, mais qu'il faut qu'on soit très nombreux, quoi. Et toi, tu nous donnes des billes, tu nous donnes des briques de Lego pour justement pouvoir aller construire ces alternatives qui existent déjà. Tu les révèles. C'est ma dernière question pour toi, parce que j'ai vraiment envie de t'emmener en 2030 glorieuse. Imaginez à quoi ressemble un monde où les journalistes comme toi sont une évidence. J'ai partagé une vidéo de toi, l'une des premières de ta rentrée, où tu disais à quel point la situation écologique était catastrophique, cataclysmique. Ouais, j'allais dire. C'est pas le réchauffement climatique, c'est bien pire que prévu. Ouais, c'est ça, le titre donne envie. Très joyeux. Et sous le post LinkedIn que j'ai fait, il y a une personne qui disait: j'ai énormément d'empathie pour Paloma, qui doit répéter encore et encore et encore les mêmes messages, parce que toi-même, dans ta vidéo, tu disais qu'en fait, c'est exactement ce que tu disais l'année dernière. Et cette idée en un pire, peu cyclique... Je précise, en pire, mais c'est sûr que oui, j'ai l'impression quand même, au bout d'un moment, de raconter tout le temps la même chose, et qu'il n'y a pas vraiment de sursaut, quoi, tout le monde continue à vivre comme tu gagnes l'auto. Tu gagnes l'auto demain, tu fais exactement la même chose? Je fais le même métier? Je sais pas. Je gagne au loto demain? Non, je m'arrête pas de travailler. Je continuerai à faire plus ou moins exactement la même chose, puisque de toute façon, ce n'est pas l'argent qui me guide, étant donné que j'en gagne pas non plus énormément. Mais assez pour vivre bien, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Je gagne au loto demain, je fais exactement la même chose, mais en revanche, je vais utiliser cet argent-là pour créer une méga organisation de médias indépendants et mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur des médias indépendants. Mettre énormément d'argent sur des associations qui ont des stratégies et des mouvements qui ont des stratégies pour vraiment faire tomber les plus gros polluants. Donc je vais mettre de l'argent sur des actions en justice climatique, en fait. Je vais mettre des argent déjà pensé. Voilà. Non, mais je pense qu'en fait il faut penser ça sous différentes briques. Il y a un moment, à la fois il faut s'informer autrement et comprendre le monde différemment, et comprendre comment est-ce qu'on peut créer une autre société. Et à la fois, il y a des gens qui vont devoir commencer à la construire. Donc il faut aussi qu'il y ait des alternatives qui nous montrent que justement cette autre société est possible. Et après, il y a aussi des gens qui vont devoir rentrer dans des rapports de force pour faire tomber cette vieille société dans laquelle ça, on est. Ça fait du bien de t'entendre dire les blocages, ça, parce que, quoi. En général, le discours militant propose une vision très linéaire du changement de la société, avec quelques étapes et la rébellion et un peu... montrer comme l'engagement massif, l'engagement ultime, alors qu'en réalité c'est absolument fractal. Il faut tout faire partout, et quel que soit son talent, son temps, ses disponibilités. C'est exactement ça, c'est que je pense que de juste imaginer un grand soir et d'attendre qu'il arrive, bon, puis en plus l'imaginaire du grand soir n'est pas forcément génial, mais je discutais il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu sur mon plateau l'économiste Éloi Laurent, et il me parlait du mouvement des droits civiques, et je trouve que c'est passionnant, parce que tu ne peux pas prendre un exemple d'un groupe de personnes qui partaient aussi perdantes, c'est-à-dire fait dans une société hyper raciste, des personnes précaires qui essaient de défendre leurs droits alors que ça fait des années que leurs droits sont bafoués, et là et qui arrivent en fait justement exactement par cette combinaison de stratégies, c'est-à-dire à la fois Martin Luther King qui dit I have a dream, donc il projette quelque chose, il dit en fait il est possible qu'un jour mes enfants ne soient pas discriminés et que la société soit autre et que je ne sois pas discriminée parce que ma peau est différente, la couleur de ma peau est différente que celle de la tienne, et de l'autre côté il y a des personnes qui vont faire du sabotage et des personnes qui font de la désobéissance civile qui créent un énorme mouvement. Il y en a qui partent en bus partout aux États-Unis pour essayer de montrer que en fait une société non raciste est possible. Alors on n'y est pas encore malheureusement, et en France non plus, et tout ça en fait a réussi à faire aboutir une égalité de droits et des vraies victoires politiques pour le mouvement des droits civiques. Et je pense que on peut faire exactement la même chose aujourd'hui sur les questions écologiques et aussi sur les questions féministes. Donc parmi les médias que tu financeras, je vois il y a dans le vent là du Mistral, il y a Cop Média qui est derrière avec une bannière et qui m'apparaît comme étant une solution. Je trouve que le modèle coopératif en plus dans les médias est hyper important dans l'horizontalité qu'il permet, mais c'est une parenthèse. Je redis juste en deux mots que Blast, moi je l'écoute en podcast, donc n'importe quelle alors il n'y a que les entretiens, il n'y a que les entretiens qu'on fait, donc qui sont plus longs, 45 minutes, une heure, donc en fait des interviews avec des personnalités, des chercheurs, des chercheuses, etc., qui sont disponibles en podcast. Mais les chroniques qu'on fait de décryptage de l'actualité ou sur des thématiques, ça il faut les regarder en vidéo parce qu'on les tu a pas en podcast. Que ça se retrouve, c'est parce effectivement, vraiment, tu m'as ça marche avec l'image. Pardon. C'est-à-dire qu'on peut aussi les retrouver sur YouTube, mais vous avez un site internet. Et là, en l'occurrence, le site internet, tout est vachement bien fait. Je crois que même vous aviez, pas lancé une appli. C'était un projet. On est en train de lancer une appli qui va bientôt être disponible. Et sur le site internet, vous pouvez voir en fait par rubrique tous les sujets. Et ce qui est bien, en plus, si vous regardez les vidéos sur le site internet, c'est qu'elles sont hébergées par Peertube et non pas YouTube, on essaie un peu de comme on peut, et se libérer un peu de la dépendance aux GAFAM. On va partir en 2030 glorieuse. Et avant ça, l'invité nous offre toujours une petite bulle de respiration. On en a besoin. Le sujet est dur. Et tu viens nous proposer un imaginaire, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te motive, quelque chose qui te met en mouvement par la lecture que tu vas nous faire. Tu nous apportes quoi ? Alors j'espère que je vais réussir avec que mon livre ne va pas s'envoler. J'avoue que la technique est hasardeuse. J'avais envie de lire un texte d'un recueil de textes qui a été fait pour les soulèvements de la Terre qui s'appelle On ne dissout pas un soulèvement qui a été édité au Seuil. Et donc c'est 40 voix pour les soulèvements de la Terre. Et il y a aussi bien Baptiste Morisot, Léna Lazare, Geneviève Azam, enfin voilà, plein de noms, Philippe Descola, enfin plein de noms, Virginie Despentes, plein de noms géniaux qui ont écrit. Et moi j'avais envie de lire un petit extrait d'un texte qu'a écrit Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction absolument génial et qui a fait une sorte de petit slam. Alors, ouais, je ne vais pas trop le slammer parce que je ne suis pas hyper douée. Mais en tout cas, voilà, de lire ce tout petit extrait de Alain Damasio. On est en direct. Musique va se lancer. On se laisse 5-10 secondes histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. On respire et ensuite on t'écoute. Vous mettez une musique dessus. Il y a un tapis sonore. Pas de pression. Moi, je crois aux bandes et au vacarme fécond des sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux ruches et aux squads. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle, quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas. Il était une joue qu'on ne tend pas. Il était une foi, en toi, en nous, en l'autonomie de nos 10 doigts. Il était une loi qui dit qu'aucune loi ne justifie qu'un seul t'appartienne, ni à lui, ni à toi. Il était un bois, un verger d'agrumes qui se soulève sous la chape de bitume, si tu arraches le macadam avec quelques centaines de bras. Il était une voix. Tu ne vois rien, et pourtant tu y crois. Il était une soif qui ne boit pas. Qui s'étanche en embrassant lac et lande, en enroulant la langue qui noue et qui joliment nous noie. La langue de l'eau qui sonne oblongue et fait pousser les mangues au milieu des parkings de Hong Kong. Le vivant n'est pas une mode. Un thème, un ADN code, c'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, ce serait juste d'être digne de ce don sublime d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Faire corps, avec le maquis, la forêt, la mer, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie. Se composer avec, les accepter, nouer avec, sans berlificoter. Vous, productivistes, vous êtes la nature qu'on défonce. Vous êtes la terre qui coule, juste avant qu'elle s'enfonce. Vous êtes la lèpre de l'air, la ruine des sols, le mercure dans les sangs. Vous êtes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok. Et maintenant ? Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant. Qui trépasse puis repousse, le vivant qui tisse et qui bruisse, vif comme un bond, le vivant qui se détend. Alain Damasio. Merci Paloma. Pourquoi tu as choisi ce morceau en particulier quand je t'ai proposé de faire cet exercice ? Parce qu'en fait, tu me demandais un roman ou un texte qui déploie un autre imaginaire possible. Et je trouve qu'il n'en existe pas tant que ça en réalité. Et moi, j'ai tout de suite pensé à des romans un peu dystopiques que j'ai pu lire. Après, des romans passionnants, mais ce n'est pas forcément des romans qui te donnent de la force. Et je trouve qu'en fait, dans les autres imaginaires possibles, il y a aussi des imaginaires de lutte. Il n'y a pas que le fait voilà, d'imaginer un monde absolument parfait dans lequel nous vivrions tous heureux et tous égaux. Et je trouve que Damasio est très, très fort en fait pour à la fois parler de cette question de la lutte, cette question de la confrontation, des rapports de force, et à la fois parler d'un autre rapport au vivant, d'une sorte de dignité retrouvée. C'est un peu ce que fait Corinne Morel d'Arleux aussi, que j'adore comme autrice, et qui parle de la dignité du présent. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant, en fait, dans les textes de Damasio, qui donne envie à la fois de sentir la brise sur notre visage, et en même temps, d'aller démonter une méga bassine, quoi. Pendant que tu étais en train de dire, je ne sais pas si tu as senti la secousse sous ton siège. Ça y est, on est en 2030 glorieuse, Paloma. Non, okay. Je l'avais pas senti. Tu l'as pas senti. Et donc, je sais que les 2030 glorieuses, c'est pas évident, surtout pour nous Français qui commençons toutes nos phrases par oui, mais, même quand on est d'accord avec quelqu'un. Sauf que là, on va s'imaginer un monde où on aurait réussi. Ça veut pas dire que tout est réglé. T'as raison. Ça veut dire que c'est peut-être un monde en lutte, c'est peut-être un monde où il y a encore des effondrements, c'est peut-être un monde où on a encore énormément de pain sur la planche pour 2040, 2050, bien sûr. Et à la fois, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre rapport au vivant, dans notre capacité à se dire qu'en fait, c'est possible d'avoir un avenir où on serait heureux de mettre des enfants au monde sur cette terre. Et ça ne veut pas dire que nos vies seront plus longues, ça ne veut pas dire que le progrès technique, on va le décider ensemble, ça d'accord ? L'exercice, c'est par contre de parler au présent de ces 2030 glorieuses. Si on parle au futur, c'est les 2040-2050. Et là, pendant les 15-20 minutes qui nous restent, on essaie d'éviter le conditionnel. D'accord ? Je te rattrape au vol okay, de temps en temps si tu vois que c'est vraiment essayer. Trop compliqué. On va essayer, ok ? Donc on est en 2030. On est en 2030 glorieuse. Je me rappelle moi de cette citation à peu près, je suis désolé c'est lointain parce que j'avais vu ce spectacle du Cirque Le Roux à l'époque qui commençait par cette citation et j'avais pas noté son auteur mais qui disait qu'en fait il nous souhaitait de terminer nos journées fourbues, fatiguées, griffées, épuisées et que c'était ça d'être puissamment vivant. Toi si jamais tu termines ta journée, que tu rentres chez toi, que tu regardes par la fenêtre, comment tu te sens et qu'est-ce que tu vois en 2030 glorieuse ? Quand je termine ma journée, bah, c'est vrai que je suis assez épuisée parce que j'ai fait plein de choses différentes. Parce que c'est fou quand même comme le temps s'est libéré en si peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos métiers ne constituent pas l'essentiel de nos journées. Parce tu arrêtes de te présenter en étant journaliste, c'est ça, quand tu rencontres des inconnus ? Je me présente comme journaliste, mais je me présente aussi comme apicultrice, je me présente aussi comme agricultrice de temps en temps, comme quelqu'un qui va aussi travailler dans les centres scolaires. Donc, j'ai l'impression d'avoir 10 000 casquettes en fonction des besoins. Parce que comme on essaie de mieux se répartir aussi les tâches entre nous pour faire en sorte que notre société fonctionne et même que les métiers pénibles en fait ne soient pas tenus que par des personnes qui sont qui longtemps ont été discriminées, particulièrement précaires, particulièrement sous-payées. Comme il y a une meilleure répartition en fait de toutes ces tâches là, on fait aussi plein de choses et je pense que c'est assez fou de se dire qu'on arrive à vivre ça maintenant parce que c'est un peu la première fois qu'on arrive à se dire qu'en tant que citoyen, on peut développer toutes les facettes de notre personnalité alors que quand on était en 2020 par exemple on était toujours obligé de choisir un métier qui allait nous définir pendant toute notre vie et on ne pouvait être qu'une seule personne alors qu'on est tous tellement multiples chacune dans son couloir alors que t'as raison ce nouveau système de service tournant qui a été mis en place il y a quelques années permet aujourd'hui c'est vrai toutes et tous d'assurer ces tâches qu'on n'avait pas envie d'assurer parce que les poubelles parce que certaines constructions mais c'est beaucoup plus facile quand en fait chacun le fait simplement absolument. Une fois par mois, qu'il n'y ait pas une personne qui le fasse tout le temps. Et donc, la personne qui le faisait avant tout le temps, maintenant, elle fait plein d'autres trucs, justement. Elle est aussi, justement, en train de s'occuper des jardins partagés. Tu te souviens, Paloma, comme à l'époque, tu devais dire que tu étais journaliste engagé, comme si c'était nécessaire de dire que tu es journaliste engagé. Aujourd'hui, le simple fait de dire que tu es journaliste, ça suffit. Et dans ce cas-là, s'il existe encore des journalistes chez, je ne sais pas, peut-être que CNews, c'était avant, mais des journalistes propagandistes, peut-être, on les nomme comme ça ? Comment ? Ah non, parce qu'en fait, la plupart des journalistes d'extrême droite et des médias privés, je ne sais pas si tu es au courant, mais là, en fait, ils ont tous été un peu laissés sur une île, tout seuls. Et là, ils sont en train de suivre tout un programme de rééducation, en quelque sorte, pour essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et tant qu'ils n'ont pas vraiment capté le truc, ils restent sur l'île. Après, ils vont bien, hein, ils sont nourris, ils sont bien traités, mais on était obligé d'en venir là parce que c'est des gens ils étaient trop matrixés, quoi. Ça allait pas. Et on les a sevrés aussi. Hein. On les a sevrés. Ils ont plus le droit de lire Valeurs Actuelles. Ils ont plus le droit de regarder CNews. Tous ces médias n'existent plus. En fait, ils se sont totalement effondrés. Je pensais qu'ils avaient été mis sur ces grands chantiers de reconstruction du monde où il y a une sorte de volontariat international qui vient sur des zones qui, à l'époque, étaient des zones de conflit, de guerre. Seulement de les sécheresse. Volontaires, et il y en avait pas beaucoup. Parce que, c'est tout ce qui est compliqué aussi. On essaie de faire tout ça démocratiquement. Mais bon, il y a des personnes qui doivent être accompagnées, malheureusement, donc, qui sont quand même très, très en retard. Quoi. Absolument. Tu parlais de ton rôle dans les écoles aujourd'hui. On se rend compte que c'est important de s'éduquer à l'éducation. L'éducation, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas évidente. Elle mérite d'assumer notre relation et ce lien qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Comment tu fais ? Bah, en fait, on s'est rendu compte aussi, surtout que l'école, bah, pendant des années, elle permettait pas vraiment, justement, aussi de se développer tel qu'on est. C'est-à-dire que la plupart des élèves étaient assis toute la journée dans des salles de classe, avec quelque chose de très descendant, un professeur qui leur parle, qui leur explique la vie. Là, maintenant, on essaie, en fait, voilà, de... Il y a évidemment des professeurs qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, mais l'idée, c'est de se dire qu'on va aussi faire des grandes balades en forêt, et puis on va essayer de comprendre des choses un peu sur le vivant, comment on le protège, quels sont les différents métiers qu'ils peuvent faire plus tard. Et puis après, il y a aussi toute une dimension hyper importante avec toute la... Toute, voilà, tout, enfin, c'est, je pense que c'est né dans les années 2024-2025, après la première vague MeToo et puis tout, en fait, tout ce qu'a créé le procès de Dominique Pellicot dans la société française, où maintenant, en fait, il y a de l'éducation de genre en fait en permanence à l'école. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de traiter en permanence les petits garçons et les petites filles exactement de la même manière et de leur dire vous pouvez devenir exactement ce que vous voulez, mais on arrête avec les rapports de domination. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Ça met vachement de temps. Je veux dire, on ne vit que dans des sociétés de domination depuis des siècles, mais d'essayer de sortir de ça, de sortir du patriarcat, ça va prendre encore des années, mais on voit déjà que bah, y a plein de jeunes qui se sentent beaucoup plus libres, en fait, de devenir exactement ce qu'ils ont envie d'être et de s'exprimer dans ce qu'ils sont aujourd'hui et qui ne sont pas tentés voilà, d'être dans des rapports de domination et d'écraser l'autre pour exister soi-même. Je vois qu'il y a tout un tas de zones d'expérimentation. On a des journaux de proximité dans les classes, dans les quartiers, dans les mairies, dans les bibliothèques. Chaque espace un peu commun a son journal dans lequel on peut venir écrire, raconter, participer, se mettre à la technique. Le fait d'avoir été un moment ou un autre dans sa vie partie prenante d'un journal, ça montre aussi l'importance, ça montre aussi le soin qu'on y met. Ça permet d'avoir un regard critique et donc de consommer peut-être un peu plus en conscience. D'ailleurs, est-ce qu'on dit encore consommer l'information en 2030 Glorieuse? On essaie de plus trop consommer de l'information. Après, c'est encore très important. Nous, on fait beaucoup de choses avec des jeunes dans les écoles pour faire qu'ils puissent constituer leur propre reportage. Ils vont choisir un sujet, ils font leur reportage et après, on leur explique justement quels sont les biais dans lesquels ils pourraient tomber dans la façon de raconter justement une initiative ou un petit reportage sur l'école et de montrer qu'en fait, en fonction des images qu'on prend, du montage qu'on fait, on peut raconter 150 histoires différentes. Absolument. Et donc, de les éduquer aussi à l'esprit critique parce que même si, voilà, on a réussi à faire en sorte que beaucoup de journalistes d'extrême droite aillent voilà, sur cette grande île de la rééducation. Il y a quand même encore beaucoup, justement, sur les réseaux sociaux, quand même, de conspirationnisme, de complotisme. Donc, on essaie de leur apprendre à toujours avoir un esprit critique par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Et donc, justement, le meilleur moyen de se rendre compte de ça, c'est d'en produire soi-même, en fait. Tu te souviens, 2021-2022, la charte qui essayait de faire en sorte que les journalistes... La charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Ouais. Exactement, le nom était un peu long, peut-être que c'était pas le meilleur branding de l'époque, mais ça a bien évolué puisque ça s'est transformé en serment, un peu comme les médecins ont leur serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, les journalistes ont un serment pour se mettre à la hauteur des enjeux. Tout à fait, exactement, mais comme aussi quand on devient avocat. Ouais. Ou avocate et donc en général oui les journalistes ont un serment et puis après de toute façon maintenant c'est devenu une obligation en fait d'avoir lu au moins un rapport du GIEC pour être journaliste dans une rédaction, enfin, au moins un résumé pour décideur et de l'avoir c'était compris, un peu violent mais pitcher. Oui d'asseoir les gens dans une salle et de ne pas les laisser sortir tant qu'ils n'avaient pas lu au moins un rapport du GIEC en entier, même pas le résumé rapport en entier. C'était un peu violent. Il y en a pour qui on a fait des exceptions. Mais en tout cas, voilà, on est quand même parti de ça parce qu'il y a un moment, en fait, comment est-ce qu'on veut prétendre à couvrir l'actualité et expliquer le monde qui nous entoure si on n'a pas compris toutes ces limites géophysiques et climatiques. Et même si, bon, bah, grâce aux assemblées citoyennes qui sont nées partout en France, on a réussi à faire énormément avancer la politique climatique française en quelques années et notamment la politique sur les questions de biodiversité, on sait très bien et on l'avait vécu encore cet été, on a des canicules de plus en plus violentes et il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir empêcher. En fait. On a dû l'imposer un peu, hein. Tant pour les journalistes que pour aussi les grilles de programme, on a dû imposer des temps d'analyse, de discussion autour des nouveaux rapports du GIEC qui continuent à sortir, d'avoir une météo qui aussi fasse des points, pas seulement justement sur la météo, mais aussi sur les évolutions du climat. On a des cartes aujourd'hui de France que des risques, des catastrophes à venir, c'est aujourd'hui un peu plus imposé, obligatoire. C'est pas qu'une question d'imposition, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup plus une circulation entre le politique et l'information, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une canicule, ça nous permet de nous rendre compte quelles sont les villes en France qui sont pas encore assez préparées face à ces canicules. On arrête de voir des enfants qui mangent des glaces, on arrête de voir des gens à la plage pensant rien, c'est ça, pour illustrer ça. Oui, c'est une autre façon de le couvrir, mais là on s'est rendu compte aussi de notre vulnérabilité, donc on essaie à chaque fois de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire autrement, comment on va végétaliser. Bon, là ça fait 4-5 ans qu'on peut se baigner dans la Seine, donc ça aide aussi énormément pendant les canicules dans une grande ville comme Paris, qui est quand même la ville d'Europe, qui a longtemps été la ville d'Europe dans laquelle on mourait le plus des canicules. C'est la ville la plus meurtrière en fait en cas de canicule de toute l'Europe, donc il y avait quand même quelque chose à faire, mais l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que aussi à travers les médias les villes communiquent beaucoup plus les unes avec les autres pour dire qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos hôpitaux pendant les canicules pour accompagner les personnes les plus vulnérables, qu'est-ce que vous avez mis en place dans la ville pour ouvrir par exemple toutes les bibliothèques, tous les lieux comme le lieu dans lequel on est aujourd'hui, en fait, qui soit ouvert au public, qui puisse trouver du frais pour des personnes qui vivent dans des passoires thermiques, parce que malheureusement c'est encore le cas. Enfin voilà, c'est tout le truc de comment est-ce qu'en fait on apprend les uns les autres pour être plus résistants ensemble en fait. Et on s'est vraiment rendu compte que l'entraide nous aidait. Il y avait des alertes enlèvement, il y a des alertes canicules maintenant qui passent à la télévision. Il y a un système de points avec l'ARCOM qui a été mis au point de manière à ce que, en fait, les journaux, ils doivent parler d'écologie, ils doivent former leurs équipes au sujet d'écologie, mais pas que. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle encore d'ailleurs vraiment d'écologie en 2030 glorieuse. Est-ce que ce mot continue à exister, écologie, qui nous sortait un peu du reste du vivant ? Non, le mot écologie nous sort pas du reste du vivant. Le mot climat nous sort du reste du vivant. Le mot environnement nous sort du reste du vivant. Mais le mot écologie est tout à fait toujours valable. Maintenant, ça a arrêté d'être considéré comme une rubrique en soi, c'est-à-dire que en fait, dans la grande majorité des médias, c'est des lunettes, c'est un prisme à travers lequel regarder l'information, à travers lequel décrypter les nouveaux projets de loi qui sont adoptés à l'Assemblée nationale, à travers lequel décrypter toute nouvelle politique sociale aussi, etc. Et l'idée, c'est toujours de faire en sorte de faire marcher main dans la main les questions de justice sociale, de dignité et d'écologie, et que ce soit jamais fait contre les citoyennes et les citoyens, parce que c'est quelque chose qu'on a réussi aussi à imposer dans le débat public et qui existait encore trop. C'était la culpabilisation des gens en disant ah non mais c'est ta faute, c'est toi qui a une voiture à essence, c'est toi qui va manger chez McDo, etc. Et en fait on s'est bien rendu compte que l'immense responsabilité était celle des multinationales fossiles, des politiques qui ne faisaient rien, et qu'en fait la plupart des citoyens, et c'est toutes les études qui le montrent depuis 10 ans d'opinion, en fait ont envie qu'il y ait une action sur l'écologie. Mais ils disent, nous, on ne peut pas porter tout ce poids nous-mêmes, et en plus, on n'a pas les moyens financiers. Tu me tends une perche pour la dernière question que je voulais te poser en 2030 glorieuse. C'est un peu la question à 10 000 gonettes, 10 000 EJCO, je ne sais pas quelle monnaie complémentaire à court à Marseille, donc ma blague tombe un peu à plat. Mais comment on fait pour avoir cet équilibre financier pour que justement l'énergie des journalistes, elle soit pas déployée à trouver de l'argent, mais en fait à bien faire leur travail? Et comment on a arrêté aussi d'avoir ces choses complètement lunaires qui font qu'on passe d'une émission écologique comme à l'époque, La Terre au Carré, et puis entrecoupée de pubs pour partir en Europe pour quelques dizaines d'euros? Comment on a réussi à asseoir cette stabilité économique pour les médias tellement important? Est-ce que c'est les taxations qu'on fait désormais à toutes les personnes qui gagnent plus de, je sais pas, 10 millions d'euros, pourquoi pas, et on leur dit bravo, vous avez gagné le capitalisme et tout le reste, c'est pour les médias? Comment ça marche? Comment on a réussi à faire ça? Enfin, que vous soyez tranquille. Déjà, il y a des grandes coopératives de médias comme Coop Média, qui a pris une place immense en fait dans ce qui s'est passé, parce que tous les médias indépendants se sont regroupés sous la bannière d'une coopérative. Toute l'économie sociale et solidaire s'est mise à soutenir ces médias indépendants. Il y a eu de plus en plus d'audience. Donc en fait, de toute façon, la plupart des chaînes privées ont été un peu ringardisées, et cette énorme coopérative de médias indépendants a montré en fait qu'il était possible de faire de l'information tout en ayant les moyens pour la faire, mais sans faire de profit, donc de renoncer au profit, en disant on va bien payer nos journalistes, on va faire de l'information de qualité, mais on n'a pas besoin de faire du profit. Et donc ça a ringardisé aussi beaucoup de médias de façon générale. Et après les médias privés, comme je te le disais, donc il y a eu un peu ce grand procès des médias privés et des médias d'extrême droite, donc qui s'est assez mal terminé, parce qu'il y a un certain nombre de condamnations. Bolloré c'était est actuellement nécessaire, cette justice quand même. Bien sûr, Vincent Bolloré est actuellement en prison ça fait 3-4 ans qu'il y est, il va y rester encore quelques années, et Et après, pour le reste, bah, en fait, ils ont dû faire des choix économiques parce qu'on, comme on s'est dit qu'on allait arrêter la publicité, parce que c'est complètement absurde. Enfin, la publicité, la grande majorité du temps, nous sert à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Bah, c'est sûr que ça a changé tout le modèle économique des médias indépendants, mais qui ont essayé de, enfin, et des médias publics, mais qui ont essayé de trouver d'autres sources aux revenus, bah, déjà de l'argent public, mais aussi, c'est vrai, et ça a plutôt servi à financer la transition écologique et à revaloriser nos niveaux de vie et les salaires. Ça a été évidemment le grand mouvement de taxation des grandes fortunes en 2026-2027 qui a vraiment tout changé. On y est presque. J'ai l'impression qu'on peut le toucher du doigt si on regarde un tout petit peu. 2024, à l'époque, c'était Sogood à Marseille qu'on s'était vu pour avoir cette conversation. Si on y revient tout doucement, justement, en 2024, et que les personnes qui nous ont écoutés, qu'elles soient ici face à nous, et en fait, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses, salut. Dans le casque, puisque... Donc pour les personnes qui nous ont pris pour des fous, on est essayé d'imaginer une société en 2030. Je pense qu'on est au Sogood Festival, donc à mon avis, les gens savent à peu près où on est et nous ont pas tant pris pour des fous que ça. Mais si jamais, voilà, pour ces gens-là qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se disent, mais en fait, c'est quoi mon prochain pas pour continuer dans ce sens-là des 2030 glorieuses et pas attendre 2030 parce que 2030, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lit Alain Damasio. Non, je rigole. On peut déjà commencer par lire Alain Damasio. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'en fait, on fait en fonction de ce qu'on peut faire. C'est hyper important de le préciser, mais c'est sûr que si vous avez des moyens et que vous pouvez et que vous faites un métier dans lequel vous vraiment vous posez la question à la fois de votre épanouissement, mais en même temps de votre contribution à la société, de dire, par exemple, est-ce que dans une société parfaite, une société plus juste, plus écologique, mon métier, il existe dans 10 ans ? Si la réponse, c'est non, barrez-vous tout de suite, vraiment. Si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens. Alors malheureusement, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui quand même a un système de casse sociale assez performant, donc qui a à la fois permis de réduire l'assurance chômage, qui maintenant s'attaque aux arrêts de travail, etc. Donc c'est plus difficile de s'imaginer partir, mais je pense qu'il y a un moment, il faut en avoir le courage, pas que par rapport à une question d'alignement, de dignité du présent, etc., mais aussi par rapport à vous, par rapport à votre vie. C'est-à-dire que il y a une phrase dans le dernier livre de Nicolas Mathieu qui est très belle, à la fin il dit tu n'as qu'une vie, défends-la. Et je pense qu'on peut vraiment se rappeler de cette phrase tous les jours en se disant tu n'as qu'une vie, défends-la. Et comment vous faites pour défendre votre vie, votre dignité tous les jours? Et si ça passe par aller manifester, si ça passe par aller rejoindre les soulèvements de la terre, si ça passe par changer de métier, en fait ça peut passer par plein de choses différentes, mais il y a un moment il faut quand même se dire que la radicalité de ces actions, dans le sens revenir à la racine, et la puissance de ces actions doit être proportionnelle à la situation d'urgence sociale et démocratique et écologique dans laquelle on est aujourd'hui. Et malheureusement, l'urgence, elle est énorme. Donc en gros, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort, en quelque sorte. Enfin non, j'ai l'air de Macron quand je dis ça, mais... mais il faut se rendre compte que là, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et qu'il va falloir arrêter de continuer à vivre comme si de rien n'était, parce que sinon on n'arrivera jamais à ce début de société un peu utopiste qu'on a décrite, mais en même temps qui, je pense, est possible et qui existe déjà en fait à plein d'endroits dans le monde et en France. Mais il va falloir être courageux, quoi. Il va falloir être courageux. Il va falloir être ensemble, surtout très très ensemble, et se lier les uns aux autres. Et sur la question des médias, Paloma, sur la question qui nous a occupé pendant 45 minutes, par quoi on peut continuer pour le faire advenir ce monde-là ? Par quoi on peut continuer ? Je pense que là. C'est aussi justement de permettre à ces médias qui montrent une autre vision du monde, une autre vision de l'actualité et qui parient sur votre intelligence, leur permettre d'exister encore plus fort. Donc évidemment de soutenir financièrement Blast, mais aussi en fait de partager nos vidéos, de partager nos contenus. On ne se rend pas compte, malheureusement aujourd'hui on est vachement dépendant des GAFAM et des algorithmes. Et donc par exemple, s'il y a une vidéo qui sort et que dans les premières heures elle n'est pas beaucoup vue, ouais. Google va se dire ok, ça n'intéresse personne, merci, au revoir, et ne va la montrer à personne d'autre. Et donc en fait vous avez vraiment un rôle à jouer. En parfois vous pouvez juste écrire merci ou que sais-je en commentaire, mais en fait ça booste les algorithmes si vous mettez un pouce bleu, c'est les pouces bleus, un pouce en l'air, que sais-je, et de partager la vidéo en fait, parce que plus on va booster ces algorithmes, plus en fait ils vont permettre aussi de montrer autre chose que par exemple des vidéos climato-sceptiques de youtubeurs d'extrême droite, mais passons. Et après vraiment je vous conseille de suivre cette initiative de COP Media qui est juste à côté de moi et qui va regrouper énormément de médias indépendants pour créer un lien avec l'économie sociale et solidaire et faire en sorte que justement les médias indépendants pèsent encore plus aujourd'hui dans la bataille culturelle. Merci Paloma. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !